Je termine l'émission par un bonbon, par un dessert. Et je suis très content d'ailleurs que on ait pu arranger les détails de l'entrevue. Je départ à la fin de l'émission, c'est normal. Parce que les Patriotes de Longueuil, peut-être que vous connaissez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, au football, ben en tout cas ce que les Français appellent football, le soccer ici, sur la rive-sud de Montréal, les Patriots, c'est pour une équipe de soccer. Des moins de 12 ans, si j'ai compris. Tout à fait. On a un père ici qui s'appelle Patrick Blart. Je dis Blart ou Blart? Blart. Oui. Blart, voilà. Il y a plusieurs façons de le dire, anglais, français, espagnol. Blart. Parlant d'espagnol, vos jeunes vont aller en Espagne. Les jeunes de Longueuil qui jouent au soccer vont nous représenter en Espagne dans un tournoi méditerranéen. Exactement, international. Merci d'abord de nous accorder du temps d'antenne, Louis-Philippe. Quand vous voulez. Hein. Je veux qu'on vous devienne votre réseau officiel. Ah, c'est déjà fait. Excellent. C'est déjà fait. Cool. Merci. Alors voilà, l'année passée, nous sommes allés en avril 2000, de cette année, en avril 2010, à Lloret de Mar, en Espagne. Ça, c'est à 1h30 au nord-est de Barcelone. Pour ceux et celles qui connaissent le coin, là. Exactement, c'est un beau coin méditerranéen, wow, le long de la plage. Alors, nous avons participé à cette époque-là à un tournoi de calibre international parce qu'à chaque année, le club de soccer de Longueuil a pour mission d'amener un club, une équipe de son club à l'extérieur pour pouvoir se mesurer aux autres joueurs de leur catégorie d'âge. Alors, l'année dernière, nous sommes allés à Barcelone pour la première année. Et on s'est rendu compte là-bas que c'était une formidable pépinière de joueurs de foot. Ça transpire le football là-bas. Je parle football, bien sûr. On comprend. C'est le soccer. Oui. Oui. Alors là-bas, écoutez, il y a des terrains dans chaque village. Comme ici, il peut y avoir un aréna dans chaque village. Tout le monde joue au soccer. Et au moment où nous y étions, il y avait un gros tournoi, la Mediterranean International Cup. Parenthèse, j'espère qu'ils entretiennent mieux leur terrain de soccer que nous, nos arénas. Retour à l'entrevue. Effectivement. Une petite note à ce sujet. Ouais. Ils ont des boyaux pour refroidir les surfaces synthétiques là-bas. Magnifique. Alors, c'est là. Formidable. Ah oui, on voit qu'on met l'accent sur le sport et ah sur oui, la jeunesse. Absolument. Ce qui n'est pas le cas ici. Continuons. Oui. Alors oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'année dernière, nous sommes rendus là-bas et puis sur place, on s'est rendu compte, en fait, M. Christian Basson, qui était un membre de notre organisation, coach de l'équipe qui va s'y rendre l'année prochaine, s'est rendu compte qu'il y avait un formidable tournoi qui s'y tenait, de calibre international, où les meilleurs clubs étaient représentés. On parle ici du Manchester United, de l'Ajax d'Amsterdam, du FC Barcelone. Bon, les gens qui suivent un peu, c'est des gros noms. Des ça, gros c'est, noms, effectivement. C'est des Canadiens de Montréal. Chacune de ces grosses équipes-là a des petits garçons de la catégorie d'âge des nôtres, c'est-à-dire 12 ans, qui participent à un gros tournoi. À cet âge-là, ça peut pas trop paraître qu'on est en retard au Canada sur le soccer, là, à cet âge-là, là. Déjà? Oui, ben en fait, oui, déjà, parce que là-bas, ils regroupent enfin les meilleurs et ils vont même les recruter de l'extérieur. Alors déjà, le recrutement se fait assez tôt. Donc, c'est la compétition, ici, c'est régional. Notre équipe est composée principalement de petits garçons de la région de Longueuil. Et donc, on a décidé, M. Basson, par son initiative, on a décidé d'y retourner l'an prochain pour participer cette fois à ce gros tournoi. Et pour les parents, c'est beaucoup demandant, le hockey mineur, entre autres, de faire les villes avec la voiture, de remplir la minivan. Mais là, on parle pas d'aller à la prairie ou jouer à Candiac. Là, on parle d'aller en Espagne. En Espagne, là. Effectivement. Donc, pour pouvoir financer ce voyage-là, qui demande quand même beaucoup d'argent, on tente de ramasser aux alentours de 25 à 30 000 $ d'ici le mois d'avril. Nous sommes présentement en pleine campagne de financement. On organise plein d'activités afin d'amasser des fonds. Alors, en fin de semaine, par exemple, une de ces activités-là, ce sera d'aller aux promenades Saint-Bruno. Je crois qu'il y a une quête qui va avoir lieu. Donc, si vous voyez des petits garçons habillés en jaune et bleu, comme le Brésil? Oui, mais d'un jaune un peu plus... un jaune poussin, disons. Alors, je suis si atelier, vous... fait que moi, non, les mais, jaunes oui, jaunes. Effectivement, puis vous allez nous voir de loin. Ça, okay. C'est l'avantage d'avoir ce jaune-là. Alors, donner généreusement, c'est pour financer ce voyage-là. Et tous les fonds vont, évidemment, aux petits garçons pour payer leur voyage, c'est-à-dire leur billet d'avion, l'hébergement rendu sur place, et puis tous les frais afférents au tournoi. Mais je trouve ça bien, et j'espère que d'autres organisations ailleurs au Québec et au Canada font les mêmes gestes pour encourager les jeunes, premièrement, à pratiquer un sport, mais également le soccer. On n'est pas représenté. On est Canada. On est le deuxième plus grand pays en superficie au monde. On n'a pas d'équipe au mondial de soccer. On se qualifie pas. Est-ce que quelqu'un est au courant s'il y a une équipe nationale canadienne? Ah, il y en a une, effectivement. Oui. OK, ben, c'est planté par l'Uruguay. Je peux vous assurer que les petits, justement, les petits garçons qu'on amène là-bas seront probablement les prochains qui, eux, participeront à la Coupe du monde de soccer. C'est magnifique. Les premiers pour le Canada, depuis longtemps. Oui. Je sais pas si le Canada a déjà eu une chance. Écoutez, je vais vous parler simplement de l'équipe actuelle, celle qui va se rendre là-bas. C'est une équipe qui est très forte. Les petits garçons sont extrêmement motivés. On vient tout juste de terminer en fin de semaine la finale de la saison actuelle. Et les deux équipes, c'est-à-dire celles qui représentent les U11 et les U12 dans leur catégorie d'âge, se sont rendues en finale. Les U11 se sont malheureusement inclinés au tir de barrage à la toute fin du match. Et les U12 ont complété leur saison presque parfaite avec la médaille d'or ainsi que le championnat. Alors, c'est des petits garçons qui sont extraordinaires et qu'on a beaucoup de fierté de les emmener en Espagne. Oui, ben, c'est magnifique. Je vais vous donner le courriel de notre gars des sports pour que on puisse avoir un suivi, là. Chacune de vos informations, vos résultats, vous les envoyez là le plus vite possible à cette adresse-là. Il va nous en parler dans les bulletins. Et puis, pour vos activités de financement. Bon, appelez-nous. Appelez-nous. Là, on a Paulin de Saint-Bruno en fin de semaine. Oui. Vous allez pouvoir trouver sur notre site web les détails de notre campagne de financement. Alors, je vous dis l'adresse à l'instant. C'est un blog. Si vous voulez même y participer, vous y inscrire, vous êtes la bienvenue. C'est pareil que je passais pour l'entrevue, d'ailleurs. Exactement. Donc, j'invite tous vos auditeurs à le visiter. C'est mic2011.wordpress.com. Alors, vous trouverez tous les détails de nos campagnes de financement. Vous verrez quelques photos de nos jeunes qui s'y trouvent. Et puis, au fur et à mesure, parce que le site est assez jeune, là. Alors, au fur et à mesure que les informations nous seront communiquées, nous augmenterons le compte.